Même ça, c'est faux. Même mon bon temps pile est faux. Thank you.

J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. En essuyant ses larmes, j'ai réussi parfois. La pureté était si fort, parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière. Ah, je vais arriver à ma batterie là. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. En essuyant ses larmes, j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse comme un avion sans air. J'ai pleuré toute la nuit comme un avion sans aile. J'ai pleuré toute la nuit. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche t'a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, plus rien que le mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. On peut apercevoir que se prépare un long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige et le silence. Je veux juste une dernière danse. Un avion sans aile. J'ai pleuré toute la nuit. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. La vertu, le silence. Moi je suis comme un avion sans aile. Comme un avion sans aile. Comme un avion sans aile. Comme un avion sans aile. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. En essuyant ses larmes, j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse. Yeah. bientôt. Thank you.

Thank you.